Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous sommes arrivés à la leçon 13. Notre phrase clé aujourd'hui est... J'aime les romans. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Aujourd'hui, il y a une fête dans le dortoir des étudiants étrangers. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 13. La phrase clé du jour est... J'aime les romans. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. Toku ni rekishi shousetsu ga suki desu. Hee! 新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Sakura a demandé: Rodrigo-san の趣味は何ですか? Rodrigo, quel est ton passe-temps? Rodrigo-san. C'est le prénom Rodrigo avec le titre honorifique san. No est une particule qui lie les substantifs. 趣味 signifie un passe-temps. Wa est la particule qui indique un sujet ou un marqueur de sujet. Nan desu ka? Signifie qu'est-ce que c'est? Vous l'avez déjà appris. Oui. Rodrigo répond. Dokusho desu. C'est de lire des livres. Ou mon hobby est de lire des livres. Dokusho signifie lire des livres. Desu est une façon polie de conclure une phrase. Si votre passe-temps est la pratique du sport, vous dites. Sports desu. Si c'est la cuisine, vous dites... 料理です。特に歴史小説が好きです。 J'aime particulièrement les romans historiques. 特に est un adverbe qui signifie particulièrement. 歴史 signifie histoire. 小説 signifie roman. Ici, が est une particule qui indique le sujet. 好き Aimer beaucoup ou apprécier est un adjectif. Des est une façon polie de terminer une phrase. 小説が好きです。 J'aime les romans. C'est la phrase clé d'aujourd'hui. Adrien, nous avons appris que wo est une particule qui indique l'objet d'une action. Ne peut-on pas dire 小説を好きです? Non. Comme je l'ai dit, ski, aimer beaucoup ou apprécier, est un adjectif et non un verbe. Ainsi, ce n'est pas « wo » mais « ga » qui indique ce qu'une personne aime beaucoup. Alors on dit « shousetsu ga suki desu ». Peut-on employer « suki desu »,« j'aime bien »,« j'apprécie » lorsqu'on veut dire à quelqu'un « je t'aime » ? Oui, mais en japonais, le sujet est souvent « omi ». Il est donc plus naturel de dire seulement « suki desu » sans dire « tu ».« Anata ». Si l'on emploie « tu », on peut dire « anata ga suki desu ». Mon rythme cardiaque s'accélère. Ah, retournons à notre explication. Sakura dit hey. Ah bon, vraiment? C'est une manière familière de dire pour indiquer qu'on vous écoute. Sakura continue. 新宿に新しい本屋ができましたよ. Une nouvelle librairie vient d'ouvrir à Shinjuku. 新宿 est le nom d'un quartier à Tokyo. C'est à Shinjuku que se trouve le bureau du gouvernement métropolitain. Ce quartier d'affaires compte un grand nombre de gratte-ciel. On y retrouve également beaucoup de magasins à rayons et d'appareils électroniques. Ni est une particule indiquant un lieu. Atarashi est un adjectif qui signifie nouveau. Il modifie honya, une librairie qui suit. Hon dans honya signifie livre. Ici, ga est une particule qui indique le sujet. Dans cette phrase, une nouvelle librairie est le sujet. Dekimashita signifie a vu le jour, a ouvert. C'est la forme au passé de dekimasu, voir le jour, ouvrir. Il indique également l'état d'achèvement. Yo est une particule. On l'utilise lorsque l'on parle à celui qui écoute de ce qu'il ou elle ne connaît pas. Sakura propose alors minna de ikimasen ka? Pourquoi n'y allons-nous pas tous ensemble? Minna signifie « nous tous ». De est une particule qui indique un moyen, une façon, une gamme ou le lieu d'une action. Ici, elle indique que Sakura propose une façon précise de se rendre à la librairie, c'est-à-dire tous ensemble. Apprenez la phrase. Minna de. Nous tous ensemble, comme tel. Ikimasen ka. Signifie pourquoi n'y allons-nous pas? Allons-y. Ikimasen est la forme négative de ikimasu. Allez. Si vous ajoutez ka après et utilisez la forme interrogative, vous suggérez que vous devriez tous y aller ensemble. Si l'on remplace mas dans la forme verbale mas par masen ka, on invite les gens à faire quelque chose. Mélanie, pouvez-vous essayer de dire pourquoi ne mangez-vous pas en japonais? Manger se dit tabemasu. D'abord, je remplace mas dans tabemasu par masen ka. Donc la réponse est tabemasen ka, c'est bien ça? C'est juste. Sur ce, écoutons à nouveau le sketch de la leçon 13. La phrase clé du jour est Shousetsu ga suki desu. J'aime bien les romans. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. Toku ni rekishi shousetsu ga suki desu. Hee. 新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris que « ski », aimer beaucoup ou apprécier, est un adjectif. J'aimerais savoir de façon plus précise comment utiliser les adjectifs. Demandons à notre professeur. Il y a essentiellement deux types d'adjectifs, ceux qui se terminent avec la voyelle « i » et les autres. Ceux qui se terminent avec la voyelle « i » sont appelés adjectifs en « i ». Parmi ceux-ci, on retrouve « large » et « nouveau ». On place les adjectifs devant les noms auxquels ils appartiennent. Dans le cas des adjectifs en « i », on les place tels quels devant le nom. Un nouveau livre, par exemple, se dit « atarashi hon ». Pour ce qui est des adjectifs qui ne se terminent pas avec la voyelle « i », on leur ajoute « na ». On les appelle adjectifs en « na ». Nous en avons un exemple avec « ski » que l'on retrouve dans notre sketch aujourd'hui. J'aime bien, j'apprécie. Vous pourriez croire qu'il s'agit d'un adjectif en « i » puisqu'il se termine en « i », mais ce n'est pas le cas. Il se termine avec la syllabe « ki ». Ainsi, le livre que j'apprécie devient « ski na hon ». Mais il y a quelques exceptions. Certains adjectifs en « na » se terminent avec la voyelle « i », mais prennent « na » lorsqu'ils modifient des substantifs. Parmi ceux-ci, on retrouve « joli », « propre »,« kirei », »,« célèbre », »,« yumei » et « être bon à ». »,« tokui ». Donc, un joli livre ne se dit pas « kirei hon », mais « kirei na hon ». C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Kira kira. C'est le vent qu'on entend ? Non. On décrit ainsi quelque chose qui brille ou qui étincelle. Des étoiles qui scintillent, des yeux qui brillent, des pierreries qui étincellent. Tout cela peut être décrit en employant kira kira. C'est également un mot qui décrit une chose qui est devenue propre et brillante après avoir été polie. Pika pika. Cela décrit un parquet qui reluit après l'avoir nettoyé. En effet, des chaussures toutes neuves qu'on vient d'acheter se décrivent ainsi. Pika pika. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir kira kira et pika pika. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique les tweets d'Anna. Rodrigo est super. On dirait qu'il lit des romans en japonais. Je vais faire de mon mieux pour lire des mangas en japonais. Avez-vous aimé la leçon 13? La phrase clé du jour était Shousetsu ga suki desu. J'aime les romans. N'oubliez pas, ski n'est pas un verbe mais un adjectif. La prochaine fois, les étudiants nettoieront après la fête. Au plaisir de vous retrouver pour cette prochaine leçon.